élément. Une ferveur lente tend tes hanches. Ma main se cloue à l'étoffe de ta jupe, l'y glisse à l'invite du désir. Au grain de ta peau, aux palpitations des veines, elle étend sa toile. Ma bouche pétrit un sein de salive, d'une lueur gourmande mes lèvres t'écoutent. Ta nudité s'éveille à mes jeux, d'un goût sucré tes tons de miel. J'effeuille de mes cils ton corps de cuivre, l'horizon de ta chair vibre comme un lac où l'extase du vent se consume, dentelle de brume, fièvre suspendue aux frissons de ton sexe, motte somptueuse où ma langue dénoue des eaux lascives tel un alphabet vivant. Et je bande sans effort, verticalité sereine comme infinie, érection mystique dont tu t'empares pour la fixer dans le sel profond de ton ventre nu.